fait la faille, on se regarde plus pareil. Depuis que t'as fait la faille, on se regarde plus pareil. Depuis que t'as fait la faille, depuis que t'as fait la faille, depuis que t'as fait la faille, on se regarde plus pareil. Comme si l'un d'entre nous partait en couille comme ton frère. Depuis que t'as fait la faille, on se regarde plus pareil. Comme si l'un d'entre nous partait en couille comme t'as fait la veille. Depuis que t'as pris la fuite, on a retrouvé la paix. Après la verse, on a foulé la presse pour mieux viser la suite. On a retiré la piste, vacciné la mi, fat cap sans training. Fuse dans l'éclipse, c'est magique. Facile est la rime s'il s'agit d'écorcher la vite. Patte, place dans l'équipe, bouge dans tes vis, tes gavites. Factice, schlag, batterie pendant ta matrice. Caprice à deux balles, nous en titre dans les blacklists. Harpy des zones celles, tu baffes, mais ça les autres savent. Aride le cocktail quand l'éclat arrive, le coq. On entendra Cocorico, un ou deux burrito, un mojito. J'écrirai pas un narco corrido. On va classer l'affaire, les défauts et les fourbes massailles. On n'écoute plus tes balivernes depuis que t'as fait la faille. T'avais le blason, t'avais le maillot de l'équipe, on aurait pu sauver ta peau. T'avais tes raisons, t'avais tes baillons. On a préféré détacher le mauvais maillot. Quand l'ennemi est dans ton propre camp, qu'il te surine sans la paire de gants. C'est partant avant la perte de temps. Prends les devants avant de te laisser bouffer pas. La faille. Je garde ma conscience saine face à ton armada de mensonges. Mais dis-moi qu'est-ce que t'enseignes. Mis à part duper le monde, ton âme est aussi sombre que les coins dans lesquels tu élabores tes plans. Le drame c'est tu corromps des frères en donnant vie aux plus noirs. Tes sentiments, à quoi tu penses? Est-ce que tu veux? Est-il un sens dans tes propos? Un vice caché? Je m'interroge. Tes cadences, là c'en est trop de ce que je pense. Toi tu proposes la souffrance et le sacrifice des autres. Je ne veux plus entendre toutes tes conneries. Même si tu parviens à te fondre dans la masse, je serai calibré seulement pour t'envoyer de la bonne rime. De nos routes faut que tu t'éloignes. Ne reste pas en face. Manipulation de ceux qui ont perdu leur joie de vivre. Perte de bon sens pour tomber dans ta doctrine. Manque de réflexion de la part de ceux qui trouvent ça clean, qui s'éloigne de la raison lorsque le doute s'affirme. T'avais le blason, t'avais le maillot de l'équipe, on aurait pu sauver ta peau. T'avais tes raisons, t'avais tes voyants. On a préféré détacher le mauvais maillon. Quand l'ennemi est dans ton propre camp, qu'il te surine sans la paire de gants. C'est partant avant la perte de temps. Prends les devants avant de te laisser bouffer pas. La faille. La faille c'est quand tu tombes et tu cries aïe. C'est quand l'embrouille ne s'évite plus ou que t'as tiré trop fort et que maintenant tu fly. La faille aussi c'est quand cette fille te plaît, donc t'essayes de l'aborder. Mais tu bégayes direct alors elle t'a rayé. La faille ça die, elle arrive toute seule ou parfois te la crée. Mais le seum ou parfois te fait changer. 21 grammes d'âme et dans le cerveau singé. Les failles au-dessus de ta tête qui plane cachent le soleil et tu cailles isolé. Je bâtis mes murs, je suis pas là pour batifoler. Vieillir c'est sûr, mais pour grandir y'a pas délai. Je suis comme camisolé, entouré d'amis au modelé. OAC, un produit. Du nom modelé, sapé sur mon 33, on tapate, zappa, sonore et l'attentat, tu cèdes à la tentation. Combien d'MC s'entassent dans le sas, mais loin de coups de bâton. Avec l'équipe en place, on passe à l'action. T'avais le blason, t'avais le maillot de l'équipe, on aurait pu sauver ta peau. T'avais tes raisons, t'avais tes voyants. On a préféré détacher le mauvais maillon. Quand l'ennemi est dans ton propre camp, qu'il te surine sans la paire de gants. C'est partant avant la perte de temps. Prends les devants avant de te laisser bouger.